Bonjour tout le monde. Let's learn the alphabet together so you can spell lots of stuff. Let's try it together. Repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Encore une fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now spell for me. Monsieur. Épelez monsieur, s'il vous plaît. M, O, N, S, I, E, U, R. Épelez. Très. T, R, E, accent grave, S. Épeler ça. C, c'est dit, A. Épeler préfère. P, R, E, accent aigu, F, E, accent grave, R, E, N, T. Last but not least, épeler mademoiselle. M-A-D-E-M-O-I-S-E-2-L-E. And that's it for today. Now you can spell. À demain.